Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est la jungle des luttes. Tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30 en direct, et retransmis le jeudi de 8h à 9h30. Et donc, la jungle des luttes, c'est le programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc un comité solidaire avec les apatistes, mais surtout qui, à l'appel des apatistes, tente de créer surtout des ponts entre les luttes et de... peut-être transmettre ce message qu'ont les apatistes, qui est celui de s'organiser en bas et à gauche si on veut faire court. Mais c'est au moins très compréhensible quand on dit en bas à gauche. Et donc on essaye dans cette émission également de refléter ce qu'essaye de faire le comité, c'est-à-dire de se faire croiser les luttes, de donner aussi en exemple l'expérience apatiste qui depuis 30 ans... peuvent nous faire croire que quelque chose est possible au cas où on en doute. Et parfois, donc on a des rencontres fortuites ou via d'autres projets dans lesquels nous, on est. Et donc, justement, aujourd'hui, on est avec la bibliothèque associative de Malakoff, que j'ai présentée, il me semble, le mois dernier, comme la bibliothèque anarchiste de Malakoff. Je suis désolée, mais je crois que je me suis rectifiée après. Mais donc, on était justement à l'occasion d'une journée organisée le 7 novembre à la BAM, donc à cette bibliothèque associative de Malakoff, avec Remise à Flot, l'association Rafio, qui gère le transport de denrées achetées directement auprès du producteur et distribuées sur différents points de France, et notamment donc à Paris, en région parisienne. Et actuellement, cette aventure risque de couper court si on ne réussit pas à acheter la péniche. Et donc, on avait fait une émission justement le mois dernier pour vous interpeller, un, sur ce projet, dans lequel vous pouvez aussi rentrer en tant que membre de ce réseau, et c'est-à-dire acheter ces produits. Donc, en général, c'est des achats groupés. Et donc, vous avez également, si vous avez un petit peu de sous, sachant que s'il y en a qui, en plus, payent des impôts, peuvent être déductibles des impôts. Donc, vous pouvez faire un don via la cagnotte Eloasso. C'est acheter une péniche chez Raffine. C'est donc, vous pouvez la trouver en cliquant sur Eloasso donc pour l'achat de la péniche chez Raffine. Donc, on vous donnera des nouvelles. On croise les doigts parce que là, c'est maintenant que ça se joue. Donc, c'est avant fin novembre qu'on va devoir acheter cette péniche. On croise les doigts. On vous en reparlera au mois de décembre. Mais donc, aujourd'hui, on en profite pour rencontrer les copains de la BAM. Il y a aujourd'hui donc Bruno et Simon qui sont avec nous. Et en deuxième partie d'émission, on sera avec Corinne qui nous parlera de la Guyane et d'un projet et une lutte et sa quête et sa recherche pour restaurer la mémoire, la dignité de ses ancêtres et au-delà d'un peuple colonisé. C'est-à-dire en Guyane, avec tout un tas de... On fera un retour peut-être sur cette question de la Guyane et surtout son projet qui, depuis des mois, a réussi à aboutir, si on peut dire, même si ce n'est pas fini. C'est que peut-être finalement le début de quelque chose, mais il y a eu un premier pas qui a été franchi. Elle viendra en parler avec nous. Et donc, ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Et si vous voulez, on vous fait vite fait une petite info. Là, si vous êtes du côté de Montreuil, mercredi 20 novembre, donc mercredi, oui, 20 novembre, à 13h à la mairie de Montreuil, il y a une manifestation pour le relogement des expulsés de Gambetta. Et donc, on est à un mois après l'expulsion du 31 rue Gambetta. Et donc, les personnes sont toujours à la rue. La situation est difficile. Et donc, on a besoin de... Ils, elles, ont besoin de soutien. Et donc, c'est les habitants du 31 gambetta@gmail.com si vous voulez les contacter. Sinon, vous pouvez vous rendre 13h à la mairie de Montreuil le 20 novembre. On fait une petite pause musicale avant de se lancer dans le sujet. Directement, c'est un morceau que les copains de la BAM nous ont proposé. Musique. Chansons sur toutes les manières, sur les joyeux garçons, les guerriers, les bergères, pour ne pas répéter une chose ennuyeuse. Amis, je vais chanter les maçons de la Creuse. Revient le printemps, ils quittent leur chaumière, laissant les vieux parents, les enfants et la mère. On voit le désespoir de la femme vertueuse lorsqu'elle dit au revoir au maçon de la Creuse. Les voilà donc partis pour faire leur campagne. Ils s'en vont à Paris, en Bourgogne, en Champagne. Ils sont fiers et d'ailleurs, ils ont la main calleuse. Ce sont des travailleurs, les maçons de la Creuse. Voyez le Panthéon, voyez les Tuileries, le Louvre et l'Odéon, le Palais de l'Industrie. De tous ces monuments, la France est orgueilleuse, elle doit ses ornements aux maçons de la Creuse. Chemin de fer qui traverse la France coûte bien des revers et plus d'une souffrance. Ces canaux et ces ponts de la Saône à la Meuse vous rediront les noms des maçons de la Creuse. De la chanson n'est pas un grand poète, c'est un garçon maçon buvant sa chopinette. Il est joyeux, content, trouve la vie heureuse et signe fièrement les maçons de la Creuse. Et signe fièrement les maçons de la Creuse. Vous êtes toujours sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes jusqu'à 20h30 en direct avec la BAM, Bibliothèque Associative de Malakoff. Bruno et Simon, je vous laisse la parole. C'est à vous, racontez-nous ce qu'est ce projet, que je trouve un chouette projet et très contente d'avoir passé la soirée l'autre fois là-bas. C'était très agréable et en plus on voit le programme et il s'y passe plein de choses très différentes. Et bah, je vous laisse... nous présenter comment c'est né d'ailleurs. Il paraît qu'il y en a d'autres en France ou en tous les cas un même modèle, même si c'est autre chose. Donc c'est à vous. Il y a plusieurs. Déjà, bonsoir, merci. Oui, il y a plusieurs bibliothèques un peu de ce type, enfin, ou de ce même modèle avec des différences. On va peut-être en parler également. Je voulais juste dire que la chanson, ouais, c'était les Maçons de la Creuse, voilà, qui était une chanson du 19e siècle. C'était un hommage à un de nos camarades de la BAM, hein, Christian. Qui est originaire du Limousin et qui sait même la chanter en occitan limousin. Donc voilà. Donc la bibliothèque associative de Malakoff, effectivement, c'est une association qui gère une bibliothèque à Malakoff, hein, concrètement. C'est un local qui a ouvert il y a 10 ans maintenant, en 2014. Alors nous, on est arrivé un peu plus tardivement. On fait pas partie des fondateurs du projet. L'idée au départ, c'était de créer une bibliothèque regroupant des ouvrages de critique sociale, plutôt ancrée en bas à gauche, comme tu l'as dit tout à l'heure. et anarchiste, mais sans forcément le revendiquer ouvertement, en tout cas en étant dans la mouvance libertaire. Même si on a des ouvrages sur des sujets assez divers. Bon, qui regroupent. Vous avez 7000 ouvrages, il paraît, hein, d'après ce que j'avais appris l'autre fois. Ce qui est quand même pas mal. Ça s'est constitué petit à petit. Le fonds initial nous a été donné par le CIRA de Marseille, donc le Centre international de recherche sur l'anarchisme à Marseille. Donc, il nous a donné beaucoup de doublons, qui nous a permis de constituer le début du fonds il y a 10 ans. Donc, quand ma langue a fourché Bibliothèque Anarchiste, finalement, c'est inconsciemment, ça transpirait peut-être à travers les... Disons que quand ça a été qualifié Bibliothèque Anarchiste de Malakoff, Bibliothèque Autogérée de Malakoff, le A, les gens ne savaient pas trop ce que ça voulait dire à l'époque. Ouais, disons que associatif est plus accueillant, entre guillemets, on va dire. Ça peut être moins rébarbatif moins effrayant, on va dire, pour les personnes qui peuvent avoir une barrière avec cette appellation anarchiste ou libertaire. Égal terroriste. Voilà. Ouais. Donc sur le fond, on est un peu plus de 7000 documents. Alors documents, on a évidemment beaucoup de livres. On a aussi des revues. Ça, c'est les gens en empruntent peut-être moins parce qu'elles sont pas forcément directement accessibles. Elles sont un peu dans des, faut ouvrir des cartons et tout ça. Mais on a quand même pas mal de revues aussi. On a quelques DVD, on a des bandes dessinées. Je disais qu'au départ, c'était le CIRA qui nous a confié le début du fonds. Par la suite, on a fait des acquisitions, soit par des dons de particuliers, de nous-mêmes, enfin des copains, des copines qui donnaient des livres de leur bibliothèque. On a aussi des fois des particuliers qui s'amènent avec des caisses de livres pas forcément très intéressants qui se débarrassent de leurs bouquins. Tu tries, tu rends après, à Emmaüs après. On fait du tri, voilà, ouais, tout à fait. On a aussi la chance d'avoir le soutien de quelques éditeurs sympathiques qui nous filent des bouquins plus ou moins régulièrement. Hein. Bon, je cite notamment L'Échappée qui le fait de façon très, très régulière, mais... Qu'est-ce que j'ai noté ? On a Acracy, Spartacus, Libertalia, Nada, les éditions Libertaires, on a eu Rue des Cascades, L'Insomniac, j'en oublie probablement beaucoup, mais voilà, il y a des maisons d'édition sympathiques qui nous aident à assurer notre fonds. Donc on se retrouve aussi dans ce fonds avec des ouvrages qui ne sont pas forcément aujourd'hui très intéressants parce qu'on les a... On les a mis en rayon à une époque où il fallait qu'on remplisse ces rayons, justement, et qu'aujourd'hui, il y a encore du tri à faire. Mais je pense qu'on a un fonds très loin d'être exhaustif, notamment sur plusieurs sujets. Oui, je n'ai pas parlé des sujets, donc on a parlé de l'anarchisme, on a pas mal de bouquins là-dessus, mais on a aussi divers ouvrages sur l'histoire du socialisme, du communisme, le mouvement ouvrier, quelques ouvrages sur le syndicalisme. Le féminisme, évidemment, l'écologie, critique de la technologie et de la société industrielle, le colonialisme, enfin bon, tout un tas de Et pour de les enfants aussi. On a quelques livres sur pour les enfants. Ceci dit, le public des enfants ne fréquente pas beaucoup la BAM. Donc, c'est des bouquins qui prennent malheureusement un petit peu la poussière. Bien qu'on ait des choses intéressantes. Les éditions Goater, notamment, nous avaient donné quelques bouquins à une époque. Ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ceux qui t'ont donné le stock, enfin, ceux qui t'ont donné, pas toi, mais la BAM, ce qu'on fournit. Et puis, tu étais en train de parler des sujets, des thématiques, Oui, j'étais en train de dire qu'on a effectivement donc beaucoup de livres, donc 7000, ça commence à faire pas mal, et donc on n'a pas non plus d'exhaustivité. On essaie de tenir des choses actualisées par rapport aux sorties éditoriales, mais on a bien évidemment pas mal de lacunes. Et donc, pour les personnes qui ont des bouquins intéressants actualisés, et qui voudraient faire de la place dans leur bibliothèque. Ils viennent vous voir le samedi, c'est ça, le samedi après-midi. Ça peut être, voilà, c'est... Parce que ce n'est pas une bibliothèque municipale, alors, donc il y a des horaires aménagés par rapport à votre fonctionnement ou vous assurez une... Disons que c'est intégralement bénévole. C'est intégralement bénévole, donc on n'a pas de salariés. C'est en fonction des disponibilités de la petite équipe qui anime le local. Et donc, on a le samedi après-midi qui est réservé à l'ouverture pour que les gens passent, viennent emprunter ou rendre des ouvrages, ou venir discuter, découvrir le fond, s'inscrire. Voilà. Et puis, à côté de ça, on a d'autres... C'est 14h-19h, c'est ça ? 16h-19h. 16h-19h. Ouais, 14h le samedi, les gens... On est en manif, quoi. Voilà. Soit les gens sont en manif, soit ils terminent de déjeuner, ou ils vont faire leurs courses. Voilà. Donc, 16h, c'est plus approprié. Voilà, la digestion est faite, ils peuvent passer. Ou la manif est terminée. Voilà. Ouais, oui, un peu optimiste. Ouais. Mais voilà, donc ouais, le samedi 16h-19h pour les activités bibliothécaires, entre guillemets, on va dire. Moi je vais préciser que pour emprunter des livres, il suffit d'acquérir une carte qui est de 10 euros à vie. Donc c'est pas annuel, c'est une fois que vous êtes venu, vous êtes inscrit. 10 euros et c'est parti. Et c'est parti, voilà. Voilà. On a coutume de dire à vie de la bibliothèque, évidemment, aussi. Oui. Jamais quand on se cassera la figure, si on se casse la figure un jour. Et sinon, on a aussi un programme régulier ou ponctuel de différentes activités à côté de la bibliothèque. Super riche d'ailleurs, hein ? La bibliothèque, c'est juste quelques heures le samedi, mais il y a plein de soirées. Oui. Mais là, au mois de novembre, on regarde le programme. On essaie de faire vivre le lieu. Donc, on a plusieurs activités régulières qui existent depuis bientôt 8 à 10 ans. Donc il y a des séances de contes qui s'appellent les contes et rencontres donc on a deux conteuses qui animent ces soirées, donc je peux citer Ariel et Bérangère, qui invitent chaque mois, c'est un mercredi tous les mois, des conteurs et des conteuses à venir donner un spectacle de contes. Il y a aussi une scène ouverte en même temps et un buffet entre les deux pour faire entracte. On a aussi tous les mois, le troisième jeudi du mois normalement, une soirée de ce qu'on appelle une jam poésique où on invite les gens à une sorte de scène ouverte où on conjugue de la poésie qu'on peut déclamer avec de la musique improvisée, donc avec un clavier et différents instruments. Et d'ailleurs, selon les personnes qui participent à cette jam session. Fait, ouais. Oui, c'est d'ailleurs... Un peu comme un bœuf, quoi. Enfin, ouais. je dis ça. Les gens qui veulent amener un instrument de musique sont les bienvenus. Voilà, donc ça, c'est le troisième jeudi du mois. On a aussi un atelier de ce qu'on appelle l'artivisme, c'est-à-dire de l'art art. Activiste ou de l'art engagé tous les premiers dimanches du mois ou avec une vocation anti-publicitaire, c'est-à-dire qu'on va créer ou détourner des affiches au format affiche de pub, donc c'est du A0 ou un peu plus grand, et ça va servir à différentes activités ensuite qu'on peut... Notamment dans les manifestations. Dans les manifestations, ouais. Si vous allez régulièrement en manif, vous en avez sans doute déjà vu. Donc ça, c'est tous les premiers dimanches du mois. Et donc je précise qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Hein. C'est vraiment un atelier qui est ouvert à tout le monde pour s'exprimer simplement en toute liberté graphiquement. Donc sans être inscrit à la bibliothèque, c'est indépendant. Enfin oui, voilà, on n'a pas besoin de payer son adhésion. Non. L'adhésion, c'est que pour la question de la bibliothèque au sens que strict des livres. Quoi. Et toutes les activités, on peut y aller en soirée sans payer quoi que ce soit. C'est entrée libre. Et généralement, c'est prix libre, donc soit on soutient aux artistes, soit on soutient à la bibliothèque, mais on n'a pas d'exigence, on n'a pas de prix fixe sur une soirée. Quoi. Et ensuite, on accueille des activités ponctuelles, donc assez souvent, dans la mesure du possible et des envies,

voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez, brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez, brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge solidaires, et de leur victoire les fameuses sont fières. Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les fameuses sont fières. Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes jusqu'à 20h30 en direct avec les copains de la bibliothèque associative de Malakoff. Et justement, ce morceau a été précisément choisi parce qu'il y a une activité mercredi. Et donc Simon va continuer à nous en parler. Et j'en profite parce que pendant la pause musicale, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire que c'était super, la BAM, qu'elle avait l'occasion de participer souvent aux soirées. Donc bah, merci de ton appel, ça fait chaud au cœur. Ça motive et effectivement, on a bien fait de vous inviter parce que c'est vrai que c'est une belle, un beau projet qui a l'air de tenir la route. On reparlera justement tout à l'heure aussi avec Bruno un peu de comment ça tient la route là, une telle initiative, une telle association. Et donc, je te laisse Simon pour justement les sardinières, puisque si vous l'avez, si vous avez écouté la chanson, ça parle de sardines, oui, et d'ouvrières. C'est pas un hasard, c'est parce que mercredi, ce sera le 20 novembre 2024, et c'est le centenaire du début de la grande grève des sardinières de Douarnenez en 1924, qui ont mené une grève dure et longue pour réclamer des meilleures conditions de travail et de la dignité tout simplement dans leur travail. Contre les patrons des conserveries de sardines qui étaient littéralement des patrons voyous. Et donc ces sardinières qu'on appelle toujours les peines sardines et qui ont gagné leur grève au bout de 46 jours de lutte. Et donc on a été contacté par les organisatrices de la soirée pour faire une soirée de célébration de cette grève. Parce que c'est toujours bon de se rappeler qu'il y a des grèves victorieuses, surtout en ce moment. Et une grève de femmes de surcroît. Tout à fait, oui. Qu'on croyait sorties du monde du travail quand on parle là, les femmes ont découvert le travail après la Seconde Guerre. Non, il y a depuis bien longtemps. C'était bien avant. Et d'ailleurs, une des peines sardines, Joséphine Pancalé. J'espère que je prononce correctement, deviendra en 1925 une des toutes premières femmes élues conseillère municipale à Douarnenez aux élections de 1925. Et je précise que c'était encore illégal à l'époque. Elle a été élue sur la liste du PCF, je ne me souviens plus du nom du maire de Douarnenez, mais ils ont profité d'un trou dans la législation pour présenter des femmes sur leur liste électorale, alors que c'était illégal. Et elles ont été élues. Donc voilà, Joséphine Pencalé, une des sardinières. Et donc voilà, mercredi, 19h, on va faire une soirée de célébration de cette grève. Donc on chantera la chanson des sardinières, notamment. Bon, bah, voilà. On espère que les gens ont réussi à l'apprendre entre temps. Mais sinon, vous venez la chanter à la BAM. On peut peut-être donner l'adresse d'ailleurs, si vous voulez. C'est à Malakoff, 13 impasse Carnot. C'est pas ça ? 14. Si. 14. 14. Ah, pardon. 14. 14. 14 impasse Carnot, oui. Et on rappellera aussi mercredi qu'il y a toujours des grèves de sardinières, même en ce moment, dans les usines de sardines en Bretagne. Donc 14 impasse Carnot, et le métro, c'est sur la ligne 13 Malakoff-Étienne-Dolay. Voilà, c'est à 5 minutes à pied, mais ouais, même pas, c'est très proche, très facile d'accès. Même si c'est en banlieue. Et donc justement, vous mettez souvent buffet participatif. Je ne sais pas si ce soir-là de mercredi, c'est également buffet participatif. Et que je trouve très sympa, parce que ça veut dire un peu ce qu'on peut dire, enfin ce que d'autres pourraient dire, auberge espagnole. Et en fait, je trouve ça pas mal aussi comme terme de buffet participatif, où on ramène chacun un peu des petites choses et on peut prendre un moment convivial. Voilà, oui, bah c'est, on utilise les deux termes pour te dire. Non, voilà. Et bon, l'idée, c'est de finir la soirée de façon conviviale en invitant chacun, chacune à apporter un truc à boire ou à manger. Quoi. Alors, ça ne vient pas toujours de la péniche, comme on a pu faire le péniche, c'est-à-dire le réseau remis à flot. Voilà. Mais il y a toujours quelque chose à grignoter. Je pense que là, pour mercredi soir, il y a des choses. Des sardines, j'espère peut-être bien. Peut-être pas, je ne sais pas, mais cidre et galette, oui, c'est sûr. Et donc, justement, ça fonctionne comment ? Vous en sortez comment ? Puisque c'est plutôt participatif, prix libre, à part les 10 euros. D'ailleurs, vous avez à peu près combien d'adhérents ? Enfin, en même temps, comme ça ne se renouvelle pas chaque année, ça n'a pas trop de sens. Mais du alors, coup, on peut quand même dire qu'il y a 425 personnes qui ont pris une carte depuis 10 ans à la BAM. D'accord. Voilà. Donc, prendre une carte, c'est ce qui permet d'emprunter des ouvrages. Des livres, oui. C'est pas directement ça implique pas forcément d'adhérer à l'association. Ça, c'est une étape, chose. Ça, c'est une étape supplémentaire. Donc, évidemment, c'est pas en payant 10 euros. Pour pouvoir emprunter à vie des bouquins, oui, que bah, ça nous permet de en financer. En 10 ans, vous avez eu 4000 balles, quoi, grosso merde. Donc, à côté de ça, on loue un local, on n'est pas propriétaire. Donc, on loue un local à Malakoff et on s'autofinance. C'est à la mairie ou c'est privé ? C'est privé, ouais, c'est du privé. Alors, les fondateurs de la BAM, au début, avaient l'intention d'acheter un petit local. Mais ils ont pas mal galéré et ils se sont rabattus sur une location dans une petite impasse. C'est sympa, agréable. Assez agréable et un peu verte par endroit. Bon, il y a pas mal de bitume aussi, mais bon, il y a des petites plantations ici et là. On s'autofinance avec nous-mêmes surtout, parce que c'est d'abord nous-mêmes, on a grosso modo, faut qu'on trouve 1500 euros par mois. Ça fait une petite somme quand même. Donc c'est les gens de la BAM plus des copains qui nous donnent de l'argent de ci de là, quelques sous qu'on ramasse des soirées, parce que c'est pas non plus les soirées, on n'en retire si pas des recettes phénoménales. Et donc on invite aussi tout un chacun à nous soutenir régulièrement. Parce que parmi nous, il y a des gens qui donnent des grosses sommes d'argent chaque mois, évidemment, pour pouvoir tenir. Donc, mais ce qui serait plus intéressant, c'est qu'on ait plein de personnes gens, qui donnent 5 euros ouais. par mois, plutôt que quelques personnes donc, qui donnent fait, 200 ou 300 euros par mois. Quand une personne arrête son don, ça fait moins mal quand c'est 5 euros. Et vous avez des adhérents qui, eux, payent leur adhésion à la BAM ou ça n'a rien non, à voir non, ça, non, ça, c'est ça, vraiment s'il y a des personnes qui veulent rejoindre l'équipe d'animation. L'adhésion, c'est vraiment si... mais ça, on est ouvert aussi. S'il y a des gens qui veulent venir nous voir, dire, j'aimerais participer que ce soit à la gestion bibliographique de la bibliothèque ou alors à la préparation des animations des soirées ou à accueillir le public le samedi après-midi lors des permanences. Ça reste ouvert. Bah, parce faut passer nous voir. L'avantage de votre espace, quand même, c'est que c'est un espace que vous mettez à disposition et aujourd'hui, gratuitement, j'imagine. Peut-être que les gens peuvent participer pour l'espace s'ils en ont les moyens, Du coup, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir avoir des espaces accessibles, en fait. C'est important, oui, de pouvoir proposer tout simplement un lieu ouvert pour des activités plus ou moins militantes ou engagées. Donc oui, nous, c'est gratuit. Après, c'est, on préfère qu'il y ait une petite participation. Oui, mais c'est ça. C'est pas obligatoire et puis il n'y a pas un prix fixe. Non, parce que je pense à ça, parce que nous, le 7 octobre, l'association Rafioche, on était venus pour trouver des sous. Donc du coup, je ne sais même pas si on avait participé, par exemple. C'était un exemple. Enfin, tu vois, du coup. Oui, bon, là c'était une soirée particulière, puisqu'il s'agissait d'une soirée de soutien. Non, mais c'est pour ça, du coup, c'est pour ça que ça m'est venu, justement, cette idée d'effectivement pouvoir. À prix libre, comme. Enfin, moi, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir mettre à prix libre parce qu'il y a des collectifs et des groupes qui peuvent peut-être mettre beaucoup plus que d'autres. Et donc, effectivement, oui, tout à ça fait, évite de limiter. Le... Et donc, les autres bibliothèques associatives, il y a un réseau, elles se connaissent ou c'est plutôt. Alors, c'est plus un réseau par l'intermédiaire d'une des personnes de l'association, un des fondateurs, Christian. Qui, lui, est très branché sur tout un tas de bibliothèques à travers la France. Je crois qu'il y en a 19. Alors, je ne ferai pas la liste parce que je n'ai pas pris le papier. Je n'ai pas tout en tête, mais il y en a à Marseille, il y en a du côté de Briançon, il y en a du côté de Toulouse. À Limoges, oui. Il y a le CIRA Limousin à Limoges, évidemment. Il y a dans le Minervois. Le CIRAD, peut-être que tu peux alors dire. Alors le CIRAD, oui, c'est comme à Marseille, c'est le Centre international de recherche sur l'anarchisme. Donc qui a un local à Limoges. Voilà, il y a des liens à Commercy également, à Laon, à Mâcon. Je crois qu'il y a une bibliothèque qui devrait s'ouvrir en 2025, si ce n'est pas déjà fait, dans le sud de l'Aveyron, dans un petit bled dont je n'ai pas retenu le nom. On est aussi en lien avec la bibliothèque, la commune du Maquis, à côté de Minerve, dans l'ouest de l'Hérault. Oui, voilà, mais... évidemment avec le CIRA de Marseille, voilà. J'en oublie probablement beaucoup. Et donc du coup, elles ont le même format. Alors pas forcément chacun. C'est et puis enfin le certaines sont plus anciennes que nous aussi. Le CIRA a plus de 50 ans. Comme c'est lui qui nous a aidés dans la constitution du fonds. D'autres sont plus récentes. Après, sont des liens avec certaines d'entre elles. Ce qu'on fait, c'est généralement, quand on a des livres en doublon, on prépare des caisses et puis on leur envoie. Voilà. Ça nous fait un peu de bien. Ça vide un peu des cartons chez nous. Donc, voilà. Et donc, du coup, vous êtes environ combien à gérer cet espace ? Parce que, donc là, je vous ai vus tous les deux. Il y avait 3-4 autres personnes que j'ai cru voir aussi l'autre jour. Vous êtes petite dizaine ou... Actuellement, on est moins de 10. Hein. Ça tourne entre 6 et 8. C'est à peu près. Ouais. Après, il y a des... Ouais, ça c'est le petit noyau qui voilà qu'on peut rejoindre et qui prépare le programme ou qui de temps en temps arrive à parler aussi de bibliographie, comment ranger les bouquins, comment les classer, etc. Quand on a un peu de temps. Et sinon, à côté, il y a aussi des camarades qui animent des soirées de façon quasiment autonome pour ce qui est des contes et des soirées poésie. Ça fait 7 ou 8 ans que ça tourne, donc on va dire que c'est rodé tout ça. Autogéré, voilà. Quoi. Et puis après, on a des camarades cette année. Il y a l'association Germinal aussi qui est venue animer quelques soirées à la bibliothèque avec des projections de films. On a projeté des films sur les luttes en Grèce, en Argentine aussi. Une soirée sur les Gilets jaunes également. Et l'année prochaine, hiver, début printemps, on devrait avoir d'autres soirées, peut-être plus des discussions. J'ai ouï dire qu'on devrait avoir une soirée consacrée aux révoltes en Kanaki. Donc voilà, à suivre. Voilà. Voilà, ouais. Bon, super, merci. Vous n'avez rien oublié, peut-être redonner l'adresse et puis peut-être que vous n'avez... Pour vous contacter, il faut se rendre sur place où il y a peut-être une adresse mail ou... Et puis, On a quelques outils numériques aussi. On a un site et un catalogue en ligne, un catalogue de livres. Donc le site, c'est b-a-m.org. Voilà, et puis à partir du site, on peut se connecter sur le catalogue des ouvrages. Comme ça, on peut déjà avoir un petit aperçu de ce qu'il y a dans les rayonnages. Et puis sinon, on peut nous contacter par mail. C'est pareil, c'est b-a-m@inventati.org. Donc Inventati, INVENTATI.org. Et puis sinon, le mieux, c'est de passer soit une soirée, soit le samedi après-midi entre 16 et 19 heures. Voilà. Donc même si on ne vient pas pour la bibliothèque, on peut vous rencontrer, ouais. Prendre contact dans un premier temps pour après voir s'il y a des choses à partager. Et plus si affinité. Et donc voilà, c'est ça. merci beaucoup. Merci Virginie. Donc mercredi, on rappelle, si justement vous voulez découvrir la BAM à Malakoff, donc métro à Malakoff et l'Étienne Dolet, 14 impasse Carnot. Donc c'est la soirée à la mémoire des femmes en lutte, la grève des sardinières. Et donc ça, c'est à partir de 19h, si je ne me trompe pas. Avec peut-être exact. Des crêpes, des carottes et du cidre. Et puis voilà, se préparer à chanter l'aspect convivial de la BAM et des Bretons et des Bretonnes. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas, quand vous avez des petits programmes, à nous appeler justement pour nous dire que vous avez des activités. Et donc, il y a une petite dernière minute, vous vouliez parler du chiffon, oui, justement. Non, juste 30 secondes pour dire, c'est l'occasion. La BAM sera citée dans un article du journal francilien Le Chiffon, qui est un journal trimestriel d'enquête et de critique sociale et de critique sur l'écologie et la société industrielle, qui est francilien, qui paraît tous les 3 mois. Et donc, dans le prochain numéro de décembre, il y aura un article sur la BAM. Voilà. Et justement, dans celui du trimestre sorti en septembre, il y a justement tout un tas d'articles sur la question du réseau fluvial, et donc notamment un article également de Rafio, cette association Remise à Flot, qui cherche à acheter cette péniche. Donc, tant qu'à faire, genre Hello Asso, si vous voulez, vous pouvez essayer de cliquer d'acheter la péniche chère à fine, même des petites aides, mis bout à bout, ça peut le faire. On avance doucement, mais sûrement, donc n'hésitez pas. Et puis, voilà, ça y est, on a fini avec la BAM, on va continuer et on va passer sur un autre territoire en Guyane, et on fait une petite pause musicale en attendant. À tout de suite, merci à vous. Merci. Merci. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Hamen wujudna hu, hamen jududna, burbutna bis Suria, al-Kubra, Afrika. pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Wal Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. .3, la jungle des luttes FPP. On est donc avec Corinne, qu'on a reçue il y a plusieurs mois. Et donc, bah, je vais te laisser. Redis-moi ton nom. Corinne Toca de Villiers. De Villiers. Si vous vous rappelez d'elle, on s'est rencontrés au printemps, fin de l'hiver, début du printemps. Où elle nous avait raconté sa quête pour la justice, la dignité et restaurer la mémoire des ancêtres, de leurs ancêtres, de ses ancêtres à elle personnellement et donc de sa communauté, de ses peuples en Guyane et pas seulement puisque ce qui s'est passé en Guyane, ça s'est passé à peu près dans toutes les colonies. Mais donc là, on est avec Corinne qui donc justement se présentait uniquement comme Corinne de Villiers à l'époque. Et donc, comme la lutte, c'est un long chemin, aujourd'hui, justement, c'est Toca de Villiers. Et donc, elle aura l'occasion de nous expliquer pourquoi. Mais justement, c'est tout ce cheminement où, quand on parle de décolonisation, on ne parle pas seulement de la question des États, des territoires, de l'appartenance du territoire à une nation ou à une autre, mais c'est aussi la décolonisation des esprits, la mentalité qui doit pouvoir changer, le regard sur son propre passé, sur cette histoire. Nous, en tant que colonisateurs, enfin peuple descendant des colonisateurs, faut aussi qu'on essaye de penser autrement. Mais les peuples colonisés, avant tout, en premier, puisque c'est eux qui ont souffert, qui doivent aussi faire un chemin pour restaurer, retrouver cette mémoire collective et en être fiers et pouvoir être dignes et donc récupérer aussi ces territoires avec une intégrité, pas seulement sur justement le territoire, mais les corps. Et la question des corps, justement, Corinne l'a appréhendée directement. Et c'est le projet dans lequel elle s'est lancée il y a quelques temps et qui finalement s'accélère. Et peut-être qu'on pourrait dire que tu as atteint un objectif qui peut-être n'est que le début finalement d'un nouveau combat qui va continuer, parce qu'une fois qu'il y a quelque chose qui réussit, j'imagine qu'on veut encore aller plus loin. Et il y a tellement de choses à déterrer, si on peut dire, à faire, à sortir des cartons. Et donc voilà, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi d'être venu hier, puisque hier on a célébré les 17 ans, le 17 novembre, c'est la célébration de la création de l'EZLN, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, qui s'est formée le 17 novembre 1983 et qu'on a connu le 1er janvier 1994 avec ce soulèvement zapatiste et donc cette armée de paysans indigènes prêts à défier l'État, les riches, le système capitaliste, en revendiquant ne serait-ce que tout simplement depuis leur situation et leur dignité de peuple discriminé, opprimé et depuis des siècles. Et donc ils se sont soulevés en commençant par en disant que ça faisait déjà plus de 5 siècles qu'ils étaient en train de résister, qu'aujourd'hui ils rentraient dans une offensive pour sortir de cette soumission. Et je pense qu'il y a tout un tas de peuples qu'on peut appeler peuples, peuples indigènes, quand on parle des zapatistes, mais ça peut être aussi les peuples originaires, les peuples autochtones, ou encore plein d'autres mots. Et à chacun de le définir selon comment on le vit là où on est. Et donc voilà, hier c'était un bon moment qu'on a passé, d'autant qu'on a eu l'occasion de voir un film, La Montagna, qui retrace le voyage de la délégation maritime zapatiste lors de ce voyage qu'ils ont fait en Europe, c'est-à-dire ce chemin à l'envers de la colonisation, et donc fouler la terre européenne pour dire qu'ils n'ont pas été conquis. Et donc ce voyage, ça a été une aventure incroyable, unique, première. Et donc cette délégation maritime a ouvert la voie à des délégations qui sont arrivées par les airs, et eux beaucoup plus nombreux, puisque la délégation maritime comptait 7 personnes, 4 femmes, 2 hommes, et une personne non binaire, Marie-Josée, ni lui ni elle, elle. Et donc ce film retrace ce voyage sur ce bateau avec des discussions avec cet équipage qui lui est européen, connaît pas forcément les zapatistes, mais s'est lancé le défi d'amener cette délégation jusque Vigo en Espagne. Et donc ça, on avait eu l'occasion de vous le raconter. Et donc ce film retrace ce voyage, et à travers ce voyage, le voyage zapatiste qui dure depuis 30 voire 40 ans, justement, puisque la formation de l'EZLN s'était formée pour la défense et en 94 s'était soulevée pour attaquer, et donc pour justement revendiquer le droit à cette dignité et à s'autogouverner, ou en tous les cas pouvoir décider de son propre avenir, et étant eux-mêmes les gardiens de la terre, cette terre-mère, comme les peuples du Mexique nous le rappelle régulièrement. Merci Corinne d'être là, je te laisse la parole. Bonsoir Virginie, merci de cette invitation à Fréquence Paris Pluriel. Y a tellement de choses à dire. Alors par quoi commencer? Je vais me présenter. Donc Corinne Toca de Villiers. Donc le Toca est très important puisqu'il y a aussi une identité propre en ma qualité de femme autochtone kalinia, de nation Kalinia, donc il y a 6 nations en Guyane. Je viens de la Guyane française, un département d'outre-mer qui est situé en Amérique du Sud, d'à peu près 84 000 km², de frontière Brésil et du Suriname par le fleuve Maroni, pour le Suriname. Et chez nous, nous avons 3 peuples vraiment importants, c'est donc les autochtones, les Bushinengue et les créoles, et après il y a tout ce qui est brésilien, javanais, laotien. Mais voilà, il y a vraiment 3 peuples les plus importants. Et pourquoi Donc, je suis fondatrice d'une association qu'on appelle l'association Molico à l'Etupo, les descendants de Molico. Je suis descendante de 2 personnes exhibées du passé colonial douloureux de la France, l'Hexagone, Paris, en 1882 et 92. Donc, il y a eu 2 voyages à 10 années d'intervalle. Et il y a eu des autochtones, donc Kalinia et Arawak, qui ont été exhibés au jardin d'acclimatation lors des exhibitions ethnographiques en début du 19e, fin 19e siècle, début 20e. Et je me suis lancée il y a 4 ans à créer l'association pour pouvoir remettre en lumière cette histoire oubliée dans l'Hexagone, mais douloureuse chez nous, au sein de la communauté, au sein du peuple guyanais et au sein du peuple surinamais. Puisque c'est vraiment une histoire qui est basée et qui est ancrée dans notre entité, dans nos racines autochtones. Et il y a toute une frustration derrière qui s'est créée, qui s'est mise en place, et même des fantasmes les plus fous, puisqu'on se demandait toujours que s'est-il passé? Pourquoi on les a emmenés? Il y a eu des morts. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Et où ils sont? Donc, à travers toutes ces questions qui avaient déjà été faites auparavant, il y a eu un travail réalisé, mais surtout sur papier, sur livre. Je me suis lancée il y a 4 ans, après avoir vu « Sauvage au cœur des eaux humaines » de Pascal Blanchard et de Bruno Victor Pugébé, et de Arte Bonne Pioche, a eu ce déclic de voir ma grand-mère à la télévision et de me dire « Mais Molico, il faut que tu reviennes en lumière et qu'il faut que notre histoire soit en lumière aujourd'hui. » Je crois que tout ce passé colonial qui est aussi pour la Guyane, mais dans le monde entier, parce que les eaux humaines, c'est le monde entier, nous n'avons plus droit aujourd'hui à ce silence et dans toute notre légitimité, nous nous battons avec pacifisme et respect. Ça, c'est important, puisque nous ne pointons personne aujourd'hui. Nous partons du principe qu'il y a des descendants du colon, mais ils sont pour rien. Voilà, donc ce travail de mémoire a commencé donc par toutes les recherches, jusqu'à identifier toutes les personnes et jusqu'à retrouver les restes humains de nos aïeux qui aujourd'hui se trouvent au musée de l'Homme à Paris. Un travail intense. Donc, pour les choses concrètes, en Guyane, il fallait que nous mettions en place cette histoire pour que ça devienne vraiment une réalité pour le peuple Guyane, pour le peuple de l'Amérique du Sud. Et nous avons inauguré cet été, le 11 août 2024, un mémorial en leur hommage, représentant deux femmes, les deux femmes autochtones kaliniens. Donc Pipi Airamo et Moliko en signe justement de cette histoire. Ça a été une très belle cérémonie. Donc il y a eu la collectivité territoriale de la Guyane qui a été le fournisseur à 100%. Et il y a eu vraiment une mouvance et une coopération de toutes les instances de Guyane, Grand Conseil coutumier, les chefs coutumiers, les Yopoto, les députés, les mairies et le peuple. Et ça a été une cérémonie magnifique. Et aujourd'hui, nous avons, dans cette commune qu'on appelle Irakubo Ilagu, un ancien village autochtone, kalinien, c'est devenu un lieu de pèlerinage, un lieu de mémoire. Et comme la suite de cette histoire ne s'arrête pas à ce mémorial, puisqu'il y a nos morts, aujourd'hui, depuis un an, nous avons fait le nécessaire pour que, on a traversé l'Atlantique pour que maintenant, au niveau de Paris, donc avec les parlementaires, notamment le député de Guyane, Jean-Victor Castor, nous mettons vraiment un travail en place. Et l'année dernière, il y a eu une loi cadre qui est passée, mais c'était la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, mais c'était pour les pays étrangers. Et donc nous, en tant qu'Outre-mer, la France à la France, nous a fait bien comprendre qu'il fallait repasser, quoi. Mais repasser, oui, parce que la devise de l'association, c'est ne rien lâcher. L'impossible n'existe pas. Et du coup, avec Madame Morin-Desailly, la sénatrice, qui a fait cette loi cadre, nous avions mis en place, puisque dans le cadre la loi, elle avait quand même fait une notification au sein pour que le gouvernement puisse trouver une solution pérenne sur notre cas, les Outre-mer. Que faites-vous des restes humains Outre-mer qu'aujourd'hui une association réclame ? Des colonies non décolonisées, quoi. et du coup, il y a eu la promulgation de cette loi le 26 décembre par le président de la République. Et entre-temps, nous voyons qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de restitution. Et il y a eu quand même des chamboulements au niveau politique. Et dernièrement, quand on a fait venir une délégation de 15 personnes composée de Puyay, chaman, de chefs coutumiers, Yopoto, de Aletepo, de descendants. Nous avions vraiment fait un circuit historique, puisqu'on a commencé par le jardin d'acclimatation, lieu d'exhibition. Nous avons fait une cérémonie chamanique qui était éprouvante mais magnifique, parce qu'on voulait vraiment ressentir leur énergie dans le lieu d'exhibition. Et après, on a commencé. Après, le lendemain, ça a été vraiment le moment le plus fort, hein, l'apaisement des âmes. Et on s'est retrouvés avec 132 histoires face à nous. Il y avait 6 boîtes grises, inconnues au départ. Et j'ai demandé à ce que Bert mette leur nom, puisque le travail d'identification qu'on avait fait nous permettait de savoir qui ils étaient réellement. Et après, donc, on a fait une cérémonie de 2h30. C'était intense pour justement apaiser ses âmes pour que le jour J, il puisse revenir dans le calme, sereinement, toutes leurs âmes avec. Et on est venu leur dire, nous sommes là, nous vous préparons pour un futur voyage où vous allez revenir chez vous. Et pour nous, ce travail de mémoire, c'est avant tout spirituel, culturel, dans notre tradition de base. C'est vraiment ça qui porte ce travail-là au-delà de la politique. Il en faut, mais c'est vraiment le nid. La question de l'identité. La question de l'identité. Et de la culture. Voilà, c'est vraiment ça qui fait que nous mettons toute cette spiritualité, l'identité propre aux autochtones en avant, avant la politique, pour que nos restes reviennent très bientôt au pays, la Guyane, puisque de ce fait, la sénatrice Mme Morin-Desailly a déposé une loi au 3 octobre, si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, 2024, sur le retour, donc c'est le retour de ces restes. Et donc elle a nommé cette loi, qui est la loi numéro 8, déclassement des restes des Kaliniens et remise à la collectivité territoriale de Guyane à des fins funéraires. Donc c'est très important ce terme-là, les fins funéraires, puisque justement nous sommes connectés, nous les autochtones, avec nos morts. La plus grande fête que nous avons dans notre communauté, c'est avec nos morts, on appelle le Omanganan, l'après-mort, et le épécodonan, la levée de deuil. Et après cette cérémonie, le veuf ou la veuve peut se remettre en ménage, peut reconstruire sa vie librement. Mais c'est vraiment la plus grande fête et c'est un lien avec nos morts. Donc pour nous, c'était hyper important que cette cérémonie se fasse et dans tout le respect qui se doit de la base ancestrale de notre culture kalinia et arawak, mais surtout kalinia. Effectivement, la question de la mémoire, quand on a été anéanti en tant que peuple avec une identité, avec une spiritualité, avec des chants, avec des danses, avec tout un monde... c'est un peu aussi ce que racontent les apatistes, de pouvoir avancer. Et avant de pouvoir avancer, il faut aussi faire un retour sur le passé pour se reconnecter à son histoire et pas à celle qu'on nous a fabriquée, qui a été fabriquée par la colonisation et avec, selon les endroits, des histoires différentes, avec des issues différentes, effectivement. Et l'important pour les peuples, c'est effectivement de pouvoir savoir d'où tu viens et de pouvoir justement savoir où tu vas et comment tu peux faire, comment tu peux avancer pour retrouver ton intégrité et la dignité des peuples qui sont des millions à travers le monde à rechercher cette dignité. On fait une petite pause musicale avant de reprendre avec toi, Corinne. Yeah. 3 FPP, la jungle des luttes, ces chants, le chant de ces peuples qui ont encore beaucoup de choses à dire. Je te laisse, Corinne, nous raconter. Alors, nous venons d'écouter un extrait d'un chant, un kalinien, qui dit les jeunes ont plein de chansons, sont plein de chansons. Et justement, tout à l'heure, on en parlait sur la mort. Et cette chanson-là a été faite lors d'un epekodono, donc de la levée de deuil, la plus grande fête autochtone kalinia qu'on trouve dans notre culture. Et c'est pour ça qu'au début, on entend de la joie, on entend des échanges du groupe, entre le groupe et puis le public qui danse, parce que c'est le jour de fête. C'est vraiment, on met nos plus belles parures, nos plus belles robes, culture de base, nos plus belles robes, tenues traditionnelles. Et donc, souvent, ben, on remémore l'histoire de la personne, mais c'est tout dans la gaieté. Et puis, on fait, on peut dire, une fête, une cérémonie sur 3 jours, du vendredi jusqu'au dimanche. Donc en fait, vous avez énormément de fêtes très importantes, entre guillemets, malheureusement, parce que ce n'est pas une journée qui est dédiée à vos morts, ou c'est avec des dates précises, c'est-à-dire que c'est après 3 ans, après 40 jours, après, ou c'est tous vos morts, enfin, une fois par an que vous... Alors, comment ça se passe? C'est que, par exemple, il y a un mort aujourd'hui, on fait une veillée le soir même. Tout le monde se réunit, le Yopoto, donc chef coutumier, se réunit pour faire l'accueil de la famille et des gens qui viennent. Il n'y a pas d'invitation. Chez nous, quand il y a mort, tu peux venir de 60 km, de 200 km, parce que voilà, la mort, on est tous connectés. Et donc pendant cette soirée-là, on raconte toute l'histoire de la personne, les anecdotes, on joue, on rigole, parce que c'est de la joie, en même temps des pleurs aussi. Et on fait cette veillée-là au sein du kalawashi. Ce sont des graines dans des fabrications de vannerie. Et là, ce sont les femmes qui font le kalawashi et qui comptent l'histoire de la personne sous forme de blagues, mais c'est avec des chansons. Et le matin, c'est jusqu'à l'enterrement. Et le soir, pareil, on refait une toute petite cérémonie où la famille se retrouve. Et pendant, donc à l'époque, la base même, c'était depuis cette mort-là, on attendait une année, et on faisait le omaganon. Et qu'est-ce que c'est que le omaganon? C'est qu'à ce moment-là, la famille, donc l'époux, l'épouse et les enfants du mort, se coupent les cheveux, la frange, et après, ne doit plus toucher sa frange. Une fois que ça a été coupé, et après, il y avait un processus de une année de supplémentaire. Et une année d'après, donc l'année d'après, on faisait le fameux épicodono, la veillée, le lever de deuil. Et là, c'est sur 3 jours. Le premier jour, tu as juste une tenue noire, on va dire, un tissu. Et on te fait tout ton marquage corporel en symbole, avec tous nos symboles, parce que nous avons des symboles aussi au niveau écriture et au niveau dessin. Et tous les corps de ces personnes sont dessinés. Et le soir, on danse au son du samboula, du tambour et au son du kalawashi jusqu'au matin. Et à la première lueur du soleil, on brûle quelques affaires de ce mort pour dire maintenant, tu peux partir. Et toute la famille part se nettoyer, se purifier dans l'eau. Donc, s'ils sont près d'un fleuve ou du Maroni, tous se jettent dans l'eau, on s'amuse avec l'eau, parce que là, on se purifie. Ils reviennent et ils se font. Et elles se font toutes belles. C'est vraiment le plus beau moment, parce que tout le monde est beau, avec les tenues, les perles, les maquillages. Et là, la fête commence, la cérémonie importante commence, parce qu'à ce moment-là, on peut dire que l'esprit du défunt est heureux et maintenant on peut recommencer notre vie. Et justement, dans cette quête de décor, il a fallu pour retracer, pour les identifier, ça a été, j'imagine, un travail difficile que tu n'as pas mené toute seule, j'imagine, que c'est aussi un retour sur des histoires, parce que toi, tu as appris, j'imagine que voilà, on transmet une histoire, et donc quand tu disais oui, c'est pas cette histoire, et qu'on se demandait et on fantasmait, toi, c'était comment d'un point de vue personnel dans ton histoire familiale, en fait, tu découvres comment je découvre cette histoire de par mon grand-père, tout simplement, de Alphonse Toka, puisque son grand-père ? Non, c'est sa grand-mère, Molko, qui avait été exhibée. Donc, et j'étais petite, il me racontait, il me disait souvent, tu sais, ma petite fille, ta grand-mère, elle est partie un jour à Paris, le blanc l'a emmenée. Mais bon, quand on est petit, on se préoccupe pas trop souvent de ce genre d'histoire. Et c'est vraiment, il n'y a pas longtemps, quoi, en 2018, que j'ai eu le déclic de me dire, mais mon grand-père me racontait cette histoire-là, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a rien en Guyane ? Il ne s'est rien fait, il n'y a rien de concret, quoi. Et je me suis aperçue qu'il y avait une tristesse chez les adultes, surtout chez les anciens. Ce manque de l'histoire et, comme je vous dis, cette frustration de nos aïeux. Parce qu'on disait, mais ils sont où ? En plus, c'est nos grands-mères, c'est nos grands-pères, c'est nos cousins. Et on ne sait même pas où ils sont. Et tu as découvert donc comment cette... Alors, comment j'ai découvert je savais qu'il y avait des photos au musée Quai Branly. Donc, la première chose qu'on a fait avec l'association Molico, faire une convention. On a fait une convention avec les objets, les photos. Et du coup, j'ai récupéré les photos et on est parti en Guyane. Il fallait montrer les photos. On a fait une sensibilisation dans le village. Et là, ça a été, mais je le connais. Et là, toute l'histoire est sortie chez certaines personnes. Et on a fait un travail d'identification avec le musée Quai Branly, avec les informations que le musée avait, les informations récupérées sur le terrain, les informations qu'avait dans fait... Dans des registres. Dans des registres et tout. Et tout ça, nous les avons tous mis en place. Ça a été 8 mois intenses. Et nous avons retrouvé sur 33 individus de 1892, on a quand même identifié 27 personnes. Et dont les morts. Mais le souci, c'est que les morts, on ne savait pas leur faute, on ne savait pas où ils étaient. Et quand on a fait la démarche, j'ai fait la démarche auprès du musée de l'Homme parce que je savais qu'ils étaient là, de fil en aiguille, parce que j'allais sur un musée, non, j'allais dans un autre musée, non. Et je me suis dit, ça ne peut être que le musée de l'Homme. Et un jour, j'ai demandé à faire la consultation des fonds précieux, des collections. Et là, on me dit, oui, on a quelque chose sur 1892, mais c'est marqué les Surinamais. Eh bien, j'ai dit, je prends. Je ne m'attends pas. Je prends. La Guyane, le Suriname, ça sonne. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'arrive et il y avait des archives, donc. Et au fur et à mesure qu'on ouvrait les documents, on découvre que c'est que nos morts. Les noms, leur vie, pourquoi, comment ils sont morts, où ils sont morts, où est-ce qu'ils ont été enterrés. Mais on connaît tout, tout, tout. Il y avait vraiment toute leur biographie. Et pour nous, ça a été, on les a trouvés. Et il a fallu, du coup, informer la population guyanaise, informer la population autochtone, franco-surinamais, de cette découverte historique. Et puis après, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous faire de ces restes? Mais il y a un protocole spirituel là tout dedans. Et donc, il fallait absolument mettre en place ce travail-là, aller sur le terrain en Guyane et inviter les Puyai, les Yopoto, le peuple, sensibiliser le peuple. Et on a fait une rencontre historique franco-surinamais pour que... et la question, ça a été, est-ce que oui ou non, vous voulez qu'on fasse un mémorial donc à Irakubo, et est-ce que oui ou non, vous voulez que nous fassions un travail de retour de nos aïeux, puisque maintenant c'est 800, et à l'unanimité, ils ont dit oui. Il n'y aurait pas eu ce vote, cet élan de oui, eh bien nous n'aurions jamais pu faire ce travail. Jamais, parce qu'il fallait qu'on soit en accord avec les doyens, donc les Yopoto et les chamans, pour que ce travail se fasse. Et c'est pour ça que cette délégation est venue justement pour finaliser. Elle est venue en septembre, donc justement, on avait voulu t'inviter, mais tu étais tellement pris justement par l'organisation de cette semaine-là. Je m'en excuse vraiment. C'est très bien, parce que du coup, là, tu as plus le temps, t'es moins dans le rush, même si tu es très, très, très active. En fait, tu es un petit peu partout c'est quand même un combat intense et admirable, parce que tu le portes plus ou moins toute seule, même s'il y a pas mal de gens qui t'entourent. C'est quand même toi qui es sur le devant tous les jours sur le chantier. C'est quelque chose ça fait partie de ta vie du coup complètement. Et donc, est-ce que tu as retrouvé donc le corps de ta la grand-mère, de ton grand-père, donc, ton arrière-grand-mère? L'histoire Moliko, elle est revenue. Ma grand-mère, elle est revenue, elle est vivante, elle est revenue en Guyane et elle est morte de sa plus belle mort dans le village Galibi. D'accord. Le village. Donc elle a pu raconter. Ouais. Et c'est vraiment. Et c'est vrai que c'est ce qu'on s'était dit, c'est que. En mémoire de sa caravane, de ses. Comment on appelle ça puisqu'il y avait Moliko et toute sa troupe, elle a su revenir. Et bien, du coup, au nom et en mémoire de cette. De ces personnes-là, eh bien, Moliko va porter la locomotive, hein, puisque donc c'est en leur honneur que nous avons engagé. Nous avons engagé ça, ouais, vraiment. Et quand on voit bien les noms de ces personnes, il y a automatiquement un lien de famille, puisque on sait parfaitement que c'était des familles qui partaient. C'était vraiment des familles. Plusieurs membres d'une même famille. Et d'ailleurs, dans le travail d'identification de l'anonymat à « Je suis aujourd'hui, j'existe », nous avons des familles, bébés, maman, papa, cousins, cousines. Voilà. On a vraiment 4 familles qu'on a pu recomposer grâce au travail sur le terrain et avec toutes les pièces que nous avions en main du musée Quai Branly, des travaux qu'avait fait Gérard Collomb à l'époque, il y a une trentaine d'années. Et tout cela a permis à reconstituer vraiment un lien. Ouais. Et donc là, la restitution des corps n'est pas encore pour aujourd'hui. Il y a un processus qui est en cours, c'est ça? Où il y a quelque chose qui est envisageable ou c'est juste... Enfin, c'est-à-dire que là, il y a eu une étape symbolique. Il y a eu une étape symbolique, si j'ai bien compris, avec le fait que vous ayez pu faire ces cérémonies, que vous ayez d'abord identifié, donc symboliquement essayer de prévenir ces morts que leur mémoire est là ou que leur âme va être libérée. Si j'ai bien compris, il y a quand même ce retour-là qui est attendu, physiquement ou que symbolique. ce que vous espérez, je veux dire. Ne pouvons pas attendre que c'est symboliquement. Il faut absolument que ces corps reviennent. Et c'est vrai que là, actuellement, on est en train de discuter. Il y a tout un processus qui s'est mis en place avec ce dépôt de loi numéro 8, hein, le retour. Et nous attendons la suite du travail. Et donc, j'ai été auditionnée par le rapporteur Christophe Marion, qui a été choisi pour faire ce travail-là de mémoire. Et à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Donc, l'audition s'est bien passée. Et au 15 décembre, il doit déposer son rapport définitif sur notre cas, sur le bureau du Premier ministre et de la ministre de la Culture. Donc, on a un tic-tac de quelques... Maintenant, dans un mois, dans quoi, un presque. Mois, oui. Enfin, même moins. Et normalement, si tout s'accélère, en 2025, il y aura vraiment la grande étape. Donc, on croise les doigts, et on te réinvitera en 2025, en espérant que toutes ces âmes puissent être apaisées, des familles... Il y aura un retour fabuleux parce que ce sera complètement dans la culture. À partir du moment du musée de l'homme jusqu'au retour par avion, jusqu'à destination de Cayenne et jusqu'à leur demeure éternelle, lieu éternel, Ilagou, lieu là actuellement où il y a le mémorial. Nous allons préparer tout ça dans toute la culture traditionnelle base kalinia. Avec les tambours, avec les danses. Vraiment, tout sera dans toute la spiritualité à partir du Musée de l'Homme jusqu'en Guyane. Ben, merci beaucoup d'être venue, Corinne. Il nous reste juste quelques minutes et donc j'en profite pour... Peut-être qu'il y a peut-être des gens que ça intéresse, en fait, et parce que j'allais dire, je vais donner le contact, mais tu as éventuellement une adresse, ton association, si tu veux rappeler... Le nom de l'association, comment on peut te rencontrer, enfin, toi ou ton association, par mail, par... L'association s'appelle Moliko Aletopo. Il y a une page Facebook, donc on le trouve facilement. Et puis, c'est quand même très, très actif, hein, la page. Elle est très active. Et puis, après, sur tous les réseaux, on me trouve Corinne Toka de Villiers. On peut adhérer. Donc, il y a une cotisation de 20 euros par an. Et ce qui est bien, c'est que, ben, par exemple, quand je viens sur Paris ou ailleurs, souvent, je demande aux membres ou adhérents, est-ce que vous êtes libre ou est-ce que vous voulez m'accompagner? Ça leur permet aussi d'être en actif, vraiment, et de voir des choses et d'apporter leur petit travail de colibri. Donc, tout est, voilà, c'est vraiment... Et puis, s'il y en a qui sont curieux de savoir, de connaître, de vouloir un peu plus connaître des choses, ben voilà, nous sommes tous disponibles. Il y a juste le contact, il y a le numéro de téléphone sur la page Facebook, il y a tout. Voilà. Bon, j'aimerais finir avec une petite phrase en kalinia. Je ne sais pas si dans l'Hexagone il y a des kaliniens qui écoutent, mais en tout cas, j'espère. Mais même comme maintenant, on peut écouter par Internet. Par Internet aussi. Donc, j'aimerais juste dire, il y a Sagalgo, Yomolko et le Cogné. Yapok Pema et le Walayalanale Kopugowa nommé. Donc je disais, ma famille, mon peuple, ce soir, je suis très heureuse de parler au nom de nos aïeux ce soir. Donc merci à vous. Potosute les Suyawa Virginie, Ilupatio, et je te donne la force. Palipe Atio. Merci beaucoup. Donc on est sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, il nous reste quelques minutes. Donc on retrouvera donc Corinne, si jamais vous n'arrivez pas à trouver sa page, vous pouvez toujours essayer de nous contacter, nous, donc le CSPCL, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. Donc on a un site que vous pouvez consulter. Il y a également, et ça c'est important parce que c'était la base de notre comité, c'est une assemblée ouverte à tous qui était tous les mercredis. Maintenant, on est passé à un mercredi par mois. Entre-temps, on a fait une petite session de deux par mois. Mais là, on est revenu à une par mois. Donc, c'est le premier mercredi du mois. Assemblée ouverte au CICP, Centre International des Cultures Populaires, au 21 Terre, rue Voltaire à Paris. Donc, c'est à partir de 20h, c'est une assemblée ouverte sur, Sur la porte, il y aura de quoi vous indiquer où sonner pour qu'on vous ouvre. Avant, on était à la CNT, c'était beaucoup plus facile d'accès. Mais malheureusement, c'est un peu la fin d'un épisode. Donc non pas de la CNT, même si la CNT a ses propres épisodes. Mais là, c'est un épisode qui ne dépend pas de ce syndicat, mais grosso modo de la mairie de Paris. Enfin bref, une histoire immobilière. Et donc voilà, finalement, ce local en phase de destruction pour des bonnes raisons selon les institutions. Et donc, on n'est malheureusement plus dans ce local pour le moment. Et donc, on est au CICP le premier mercredi du mois. Vous pouvez également réécouter nos émissions sur le blog du même nom de l'émission, La Jungle des Luttes. Et donc, nous retrouver donc, aux assemblées à 20h, le site, le blog, mais également un nouveau, pour ceux qui ont Instagram, il y a Graines Apatistes, il y a un petit groupe de personnes qui a lancé cet Instagram avec plein d'informations et notamment, a priori, celles que les activités que le CSPCL fait pourra être relayées, notamment donc, comme les activités d'hier dans le cadre de nos 30 ans. Et justement, nos 30 ans du CSPCL qu'on va fêter en 2025, mais dont on va surtout faire un petit festival pour faire plein de petits événements. On a commencé le week-end dernier, il y aura un truc en décembre, le 12 janvier, un concert CCC, et puis encore en février, une grosse fête. Donc on aura l'occasion de vous en reparler. On vous laisse, merci de nous avoir écoutés. La Jungle des Luttes, vous pouvez nous réécouter sur le blog ou jeudi, du 4e jeudi de 8h à 9h30. Merci, ciao, bye. À bientôt. Ah ouais, non, je...